الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. On continue la lecture, la traduction du livre Taysir al-Allam, Sharh Umdat al-Ahkam. La dernière fois, on avait expliqué le hadith 170, qui est le hadith d'Abu Huraira radiallahu anhu. Qui nous le récite ? Fadalah. على الصدقة. نعم. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة. على الصدقة. فقيل منع ابن جامل وخالد بن الوليد والعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم ما ينقم ابن جامل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله، وأما خالد فإنكم تكذبون عن خالد. فإنكم تظلمون خالدا. نعم. فقد احتبس أذرعه وأحداده في سبيل الله، وأما العباس فهي علي أو مثلها. فهي علي ومثلها. ثم قال يا عمر أما تدري أن عم الرجل سن أبيه. أحسنت، بارك الله فيك. ثم قال المؤلف رحمه الله الحديث الحادي والسبعون بعد المئة، le 171e حديث، عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال لما أفاء الله على نبيه يوم حنين قسم في الناس وفي المؤلفة قلوبهم ولم يعط الأنصار شيئا، فكأنهم وجدوا في أنفسهم إذ لم يصبهم ما أصاب الناس، فخطبهم فقال يا معشر الأنصار ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وكنتم متفرقين فألفكم الله بي، كلما قال شيئا قالوا الله ورسوله أمن، قال ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله، قالوا الله ورسوله أمن، قال لو شئتم لقلتم جئتنا كذا وكذا، ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون بالنبي إلى رحالكم؟ لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها. الأنصار شعار والناس دثار، إنكم ستلقون بعدي أثره، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. رواه البخاري ومسلم. Selon Abdullah ibn Zayd ibn Asim al-Mazini radiyallahu anhu, il dit, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'Allah azza wa jal a accordé le butin à son prophète sallallahu alayhi wa sallam le jour de Hunayn, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a distribué aux gens et à ceux dont on voulait gagner les cœurs, et il n'a rien donné aux Ansar. C'est comme s'ils ont été peinés et n'ont pas eu leur part de ce que les gens ont perçu. Comme s'ils ont été peinés de ne pas avoir leur part comme les gens ont perçu leur part. فخطبهم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a alors exhortés et s'est adressé à eux. Et leur a dit, ô peuple de l'Ansar, ne vous ai-je pas trouvé égaré et Allah vous a guidé par mon intermédiaire? N'étiez-vous pas dispersés et Allah vous a réunis par mon intermédiaire? Et à chaque fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait une chose, il disait, c'est-à-dire à l'Ansar, nous sommes, Allah et son prophète nous ont comblés de bienfaits. Allahu wa rasuluhu amen. Il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qui vous empêche de répondre au prophète, sallallahu alayhi wa sallam? Ils ont dit, Allah et son prophète nous ont comblés de bienfaits. Puis il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, si vous le vouliez, vous diriez, tu es venu à nous dans telle et telle condition. Puis le professeur Asselam a dit, n'êtes-vous pas satisfait que les gens repartent avec les brebis et les chameaux et que vous repartiez avec le prophète dans vos demeures? Si ce n'était la hijra, je ferais partie des Ansar. Et si les gens empruntaient une vallée ou un shi'b, qui est un espace entre deux montagnes, eh bien, j'aurais emprunté la vallée et l'espace entre deux montagnes des Ansar. Les Ansar sont le shi'ar. Et le shi'ar est le vêtement le plus proche du corps. وَالنَّاسُ دِثَارُ Et les gens sont dithar, c'est-à-dire ils sont le vêtement qui vient au-dessus du shi'ar. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, vous aurez à souffrir du favoritisme à votre détriment. Patientez jusqu'à ce que vous me rencontriez dans le bassin. Jusqu'à ce que vous me rencontriez auprès du bassin. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Al-Gharib, Hunayn, Wadun fi tariqi Makkah, al-Ta'if. المتجه مع السيل الكبير وحنين واقع بين الشرائع وقرية الزيمة ويسمى الآن وادي يدعان وقد وقعت فيه معركة ضارئة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين هوازان ومعهم ثقيف في شوال من السنة الثامنة من الهجرة المؤلفة قلوبهم هم قوة يتألفون على الإسلام بإعطائه من الغنائم أو الصدقات ليتمكن الإسلام من قلوبهم أو لكونهم زعماء ذوي نفوذ وأتباع يسلمون بإسلامهم أو ليدفعوا بجاههم وقوتهم عن الإسلام عالة فقراء أمن أفعل تفضيل من المن معناه أكثر منة علينا وأعظم وما أظن التفضيل مقصودا وإنما هو صفة مشبهة باسم الفاعل خامسا شعار وهو الثوب الذي يلي الجسد وهو بكسر الشين المعجمة سادسا دثار هو الثوب الذي فوق الشعار وهو بكسر الدال المهملة سابعا أثره بفتح الهمزة والثاء والأثره الاستئثار بالشيء المشترك ومعناه إنه سيأتي من يستأثر بالدنيا عنكم مع حقكم فيها فاصبروا ثامنا الشعب اسم لمن فرج بين جبلين Les termes qui méritent explication dans le hadith. Hunayn, qui est une vallée dans la route de la Mecque. Et Hunayn se situe entre l'endroit de Shara'ir, et une contrée appelée Az-Zaymah. Donc se trouve au nord de la Mecque, entre Arafat et Az-Zaymah. Et cet endroit est appelé de nos jours Wadi Yad'an, la vallée de Yad'an, qui correspond à Hunayn au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans cet endroit a eu lieu une bataille acharnée entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et deux tribus, Hawazan et Thaqif. Ceci le mois de Shawwal de la 8e année de la Hijra. Al-mu'allafati qulubuhum, ceux dont les cœurs sont à gagner. Ce sont des personnes qui ont une force, qui peuvent apporter une force à l'islam en leur donnant du butin ou des sadaqat ou des aumônes, afin que l'islam pénètre leur cœur. Ou bien ils peuvent être des dirigeants, ceux qui ont énormément de personnes sous leur commandement. Et si ces personnes à la tête du commandement embrasse l'islam, eh bien, de surcroît, ceux qui sont sous leurs ordres et sous leurs commandements embrasseront également l'islam. Ou bien ceux qui, de par leur stature et de par leur importance et de par leur personnalité, peuvent défendre l'islam. À ces personnes, il est autorisé de donner le butin de guerre ou de donner l'aumône et même la zakat dans le but d'acquérir leur cœur. A'alatan fuqara. Donc le professeur Hassan s'est adressé à l'Ansar en leur disant: ne vous ai-je pas trouvé égaré? Allah vous a guidé par mon intermédiaire. Ne vous ai-je pas trouvé divisé et Allah vous a réuni par mon intermédiaire. Ne vous ai-je pas trouvé pauvre et Allah vous a enrichi par mon intermédiaire. Et alatan signifie pauvre. Et à chaque fois, les Ansar disaient: Allah et son prophète nous ont comblés de bienfaits. C'est-à-dire que lorsque le prophète Hassan leur disait ses bienfaits, l'Ansar répondait que les bienfaits d'Allah et de son prophète sont encore plus grands que ceux qu'a cité le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait l'éloge de l'Ansar en disant que l'Ansar ou shi'ar, c'est-à-dire un shi'ar, c'est le vêtement qui vient de suite après le corps, pour montrer la proximité. Et un nas ou dithar, et les gens, c'est-à-dire autres que l'Ansar, sont al-dithar, à savoir le vêtement qui est au-dessus des vêtements qui viennent après le corps. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a donné un conseil en disant qu'ils auront à souffrir de l'athara, du favoritisme. Et l'athara, c'est le fait de favoriser une personne sur une chose qui appartient à plusieurs personnes. Une chose qui appartient à plusieurs personnes, chacun a sa part. Le fait de donner une part et de ne pas la donner à l'autre s'appelle du favoritisme. Et le sens est qu'il y aura, il viendra un temps où l'on favorisera d'autres personnes sur des choses de cette vie d'ici-bas à votre détriment, alors que vous en aurez le droit, mais cela ne vous sera pas accordé. Fasbiru, patientez. Et à Shi'b, qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, est l'endroit qu'il y a entre deux montagnes, que si les Ansar prenaient une vallée ou un endroit entre deux montagnes, empruntaient une vallée ou un endroit entre deux montagnes, eh bien le prophète sallam auraient emprunté leur vallée et l'endroit entre les deux montagnes qu'ils auront emprunté également. Al-ma'na al-ijmali lil ayah. Al-ma'na al-ijmali. Le sens général de ce hadith. Iltaqa al-muslimun bil-mushrikin fi Hunayn, fakanat al-hazimatu 'ala al-mushrikin, faghanim al-muslimun amwalahum. Wa kana qad sahiba an-nabiy sallallahu 'alayhi wa sallam fi hadhihi al-ghazat qawmun min sadat al-'arab. الذين أسلموا ولما يدخل الإيمان في قلوبهم فأعطاهم صلى الله عليه وسلم من الغنيمة عطية جزلة ليتألفهم على الإسلام فينكف بسبب ذلك شر كبير عن المسلمين وليرغبوا في الإسلام فيدخل معهم عشائرهم ولم يعط الأنصار شيئا منها اتكالا إلى ما زين الله به قلوبهم من الإيمان الذي لا يزيده عطاء الدنيا ولا ينقصه الحرمان منها. ولكن محبة ما أبيح لهم منها وما حصلوه بسيوفهم وجهادهم أوجد في قلوبهم شيئا، إذ رأوا غنائمهم تقسم على غيرهم ولا يعطون منها، ولم يفطنوا للحكمة الرشيدة المقصودة. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم ما في نفوسهم جمعهم فخطبهم وقال: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وكنتم متفرقين فألفكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي، وكلما قال شيئا قالوا: الله ورسوله أمن. فلما ذكرهم نعمته التي جاءتهم على يده من الهداية التي هي أعظم مطلوب، والألفة بعد حروبهم الطاحنة ومشاجراتهم المهلكة، ونعمة الغنى بعد الفقر، وذلك بالغنائم وعمار أسواق المدينة، وذلك بالتجارة والزراعة لأنها صارت عاصمة الإسلام، وذلك بعد الفقر الذي كانوا فيه أيام الجاهلية. ومن كرم خلقه صلى الله عليه وسلم وحبه للعدل ذكرهم بما لهم من أياد بيض على الإسلام والمسلمين، إذ آووا المهاجرين ونصروهم بعد أن عاداهم وتجهم لهم أقرب الناس إليهم، وأخرجوهم من ديارهم وأموالهم، فوجدوا عندهم المأوى والنصرة وكرم الضيافة حتى أن نسوهم بمواساتهم بلادهم وأهليهم. Lorsque les musulmans ou les musulmans ont rencontré les polythéistes à Hunayn, ont rencontré, c'est-à-dire ont combattu, la défaite était pour les polythéistes. Ainsi, les musulmans ont bénéficié de leur butin. Et il y avait avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans cette bataille un peuple parmi des notables parmi les Arabes qui s'étaient convertis, mais la foi n'avait pas encore pénétré leur cœur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a alors donné du butin une part considérable afin qu'ils soient rapprochés de l'islam et que les musulmans soient préservés d'un grand mal. Dans le but également qu'entre en islam leur tribu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a rien donné aux Ansar, en faisant confiance à ce qu'Allah a embelli comme foi dans leur cœur, dans le cœur des Ansar. Une foi que n'augmente ni un don mondain, une foi qui n'est pas rabaissée par la privation d'un bien mondain. Autrement dit, que l'Ansar, radiyallahu anhum, Allah Azza wa Jal leur a accordé une foi et a embelli la foi dans leur cœur de telle sorte que leur foi ne peut être altérée, yani que la foi ne peut augmenter en leur donnant un bien de cette vie d'ici-bas, car s'ils croient en Allah et s'ils aiment Allah, ce n'est pas pour cette vie d'ici-bas. Et de la même façon, le fait qu'ils soient privés d'un bien mondain ne sera pas une cause qui affaiblira leur foi, car ils savent très bien que cette vie d'ici-bas est éphémère et qu'elle n'a aucune valeur comparée à celle de l'au-delà. Puis, Cheikh Al-Bassam, rahimahullah, dit: mais l'amour de ceux qui leur a été autorisé de prendre. Et ce qu'ils ont obtenu par leurs épées et par leurs combats a fait en sorte qu'il y avait une chose dans leur cœur. En voyant leur butin être distribué à autre qu'eux, et qu'ils n'aient rien bénéficié de ce butin. Ils n'ont pas percuté sur la sagesse qui était voulue par cela, par le fait que ce butin soit donné aux notables parmi les Arabes et que rien ne soit donné aux Ansar. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris connaissance de ce qu'il y avait dans leur cœur, il les a réunis. Puis s'est adressé à eux en disant: ô vous les Ansar, ne vous avais-je pas trouvé égaré et Allah vous a guidé par mon intermédiaire? Ne vous avais-je pas trouvé divisé et Allah vous a réuni par mon intermédiaire? N'étiez-vous pas pauvre et Allah vous a enrichi par mon intermédiaire? Et à chaque fois, il disait: Allah et son prophète nous ont comblés de bienfaits. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a rappelé les bienfaits qui leur sont venus par son intermédiaire sallallahu alayhi wa sallam, et le plus grand de ces bienfaits est le bienfait de la guider. Le fait qu'Allah azza wa jalla ait réuni leur cœur après qu'ils aient été divisés. Le bienfait qu'Allah les ait enrichis après qu'ils aient été pauvres. Allah azza wa jalla les a enrichis à travers les butins qu'ils ont obtenus dans d'autres batailles. Mais également, Allah azza wa jalla les a enrichis dans ce qui était présent dans les marchés de Médine, dans les transactions commerciales et également dans les cultures. Car Médine est devenue la capitale de l'islam et des musulmans. Et ceci après que Médine eût été une ville pauvre avant l'arrivée de l'islam. Et de par le noble comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam et son amour pour la justice, il a complimenté et il a cité les bienfaits des Ansar en disant qu'ils ont apporté un grand bien à l'islam et aux musulmans lorsqu'ils ont accueilli et soutenu les muhajirines, lorsqu'ils leur ont donné la victoire après que les ont combattus, c'est-à-dire ont combattu les muhajirines, ceux qui étaient les plus proches d'eux, après qu'ils aient été expulsés de leur maison et de leurs biens. Ils ont trouvé chez les Ansar refuge et soutien, et ils ont trouvé généreux. Ils ont fait part de générosité envers leurs invités. ثم أراد صلى الله عليه وسلم أن يسلبهم عن حطام الدنيا بما فيه خير الدنيا والآخرة. فقال: ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ فما كان منهم رضي الله عنهم إلا أن رضوا وأعينهم مغروقة بدموع الفرح بهذا الفضل الكبير والبشارة العظمى وبدموع الندم والعتب على أنفسهم وتلاقت أرواحهم الصافية بروح نبيهم الطاهرة. ثم أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطمئن قلوبهم ويشرح صدورهم ويعلن على الناس فضائلهم ومناقبهم الكريمة لما لهم من فضل السبق بالإيمان والإيواء والنصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ودين الله. فقال: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها. الأنصار شعار بالنسبة للرسول والدين، والناس من ورائهم دثار فهم أولى به. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu faire baisser l'estime des bienfaits mondains aux yeux des Ansar par le bien de cette vie d'ici-bas et l'au-delà. Lorsqu'il leur a dit, n'êtes-vous pas satisfaits que les gens repartent avec les brebis et les chameaux et que vous repartiez avec l'envoyé d'Allah chez vous? Qui est reparti avec les brebis et les chameaux? Ceux qui ont perçu là les butins. Et les Ansar radiallahu anhum n'ont bien sûr eu d'autre choix que d'être satisfaits de cela. Leurs yeux étaient pleins de larmes, des larmes de joie, de faire partie de ceux qui bénéficient de cet immense bienfait et de cette immense bonne nouvelle. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu rassurer leur cœur et apaiser leur poitrine en proclamant aux gens les mérites des Ansar et les bienfaits qu'ils ont lorsqu'ils ont précédé beaucoup de gens à la foi et lorsqu'ils ont soutenu et donné victoire au prophète sallallahu alayhi wa sallam et à la religion d'Allah. Il a dit, en s'adressant à tout le monde, « Si ce n'était la hijra, je serais un homme parmi les Ansar. Et si les gens empruntaient une vallée ou un endroit entre deux montagnes, j'emprunterais la vallée et l'endroit entre les deux montagnes qu'auront emprunté les Ansar. » Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire que l'Ansar sont le shi'ar, sont les vêtements les plus proches du corps vis-à-vis du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de la religion. Et les gens sont après eux des thars. وبهذه الموعظة البليغة والشرف العظيم الذي نوه في حق الأنصار علموا وعلم غيرهم من الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرمهم من الغنائم ويعطيها من هو دونهم إيمانا وسابقة وفضلا إلا اتكالا على ما وقر في قلوبه من الإيمان الراسخ وإثار الآخرة على الدنيا ثم ذكر علامة من علامات النبوة وهي أنه سيستأثر بالدنيا عليهم غيرهم فلا يهيجهم ذلك ويثير حفائظ نفوسهم فإن متاع الدنيا قليل وليصبروا حتى يلاقوه على الحوض فإن الصبر الجميل من أسباب وروده مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد تحققت هذه المعجزة النبوية بعد انتهاء عهد الراشدين اللهم الحقنا بهم ووالدينا ومشايخنا وأقاربنا والمسلمين برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. Et par cette exhortation éloquente et par cette estime immense, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu montrer la place et la valeur des Ansar, afin qu'ils sachent, c'est-à-dire les Ansar, la place qui est la leur, et que les gens également connaissent la place qui est la leur. Et il a voulu aussi, à travers cette exhortation, sallallahu alayhi wa sallam, il a voulu montrer que le fait qu'il les ait privés des butins et qu'il ait donné le butin aux autres ne veut pas dire qu'ils ont moins de foi et qu'ils ont moins de mérite que ceux à qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné le butin. Au contraire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne leur a pas donné, car il savait la foi qu'il y avait dans leur cœur, une foi ancrée. Et il savait que les Ansar aimaient plus l'au-delà que le bas monde. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité un des signes de sa prophétie, à savoir que les Ansar seront victimes de favoritisme dans des choses mondaines, que cela ne les déstabilise pas, que cela ne les dérange pas, car les biens de cette vie d'ici-bas sont moindres et qu'ils se doivent de patienter jusqu'à rencontrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le bassin. Et ceci a effectivement eu lieu. Ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam a effectivement eu lieu après la période du règne des califes bien guidés, dont le dernier était Ali ibn Abi Talib. Puis, Cheikh al-Bassam invoque Allah Azza wa Jal de faire en sorte que l'on rejoigne les Ansar, nous, nos parents, nos enseignants, nos proches et les musulmans, ceci par la miséricorde d'Allah et par ses bienfaits. ثم قال ما يؤخذ من الحديث سكن وغتين دي حديث أولا إعطاء المؤلفة قلوبه من الغنيمة بحسب رأي الإمام واجتهاده. Premièrement, qu'il est autorisé de donner le butin, de donner du butin à ceux dont les cœurs sont à gagner, et ceci en fonction de l'avis de l'imam et de son effort de réflexion. C'est-à-dire que le gouverneur donne du butin à ceux dont les cœurs sont à gagner selon ce qu'il considère être le plus juste et le plus approprié. Et dans la bataille de Hunayn, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tout donné et n'a rien donné au Ansar. ثانياً جواز حرمان من وثق بدينه تبعاً للمصلحة العامة. Deuxièmement, on retient qu'il est autorisé de priver celui dont nous avons confiance dans sa religion lorsqu'il y a un bienfait général. Le prophète sallam a privé qui? Al-Ansar, car il savait que la foi était ancrée dans leur cœur et parce qu'il y avait dans cette privation un bienfait pour les musulmans, car le fait de donner le butin à ceux dont les cœurs étaient à gagner, il y avait un bénéfice pour l'islam et les musulmans, dans le fait que l'islam soit renforcé et que les musulmans soient préservés du mal. Thalithan, inna raghbata fil ashiya'i dunyawiyya la tukhillu bi imani ar-raghibi wa ikhlasi idha kana lam ya'mal li ajli ad-dunya faqat. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يؤنبهم على رغبتهم. Troisièmement, le fait de vouloir d'avoir ar-raghba, la volonté d'obtenir une chose mondaine. Cela ne remet pas en cause la foi et la sincérité de la personne. S'il ne fait pas cela pour la vie d'ici-bas uniquement. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas repris les Ansar dans leur volonté d'obtenir une chose mondaine. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a reproché, leur a dit « Pourquoi demandez-vous votre part de butin ?» Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a au contraire cité les bienfaits d'Allah sur eux et qu'ils repartent avec le prophète est meilleur que de repartir avec des brebis et des chameaux. Donc le fait de vouloir une chose mondaine à condition de ne pas rechercher dans cela que la vie d'ici-bas, mais de rechercher l'agrément d'Allah, eh bien cela n'a pas d'influence et n'a pas d'effet néfaste sur la foi et sur la sincérité. Rabi'an, mashru'iyyatu al-maw'idhati wal-khutbati fil-munasabat wa tabyin al-haqq. Quatrièmement, qu'il est légiféré d'exhorter et de sermonner dans des événements pour montrer la vérité. Car le professeur Hassan, lorsqu'il a vu que les Ansar étaient dérangés, qu'il y avait quelque chose dans leur cœur, eh bien, Il les a réunis et leur a et s'est adressé à eux afin d'expliquer la vérité et de montrer la vérité, de leur expliquer le pourquoi de son choix sallallahu alayhi wa sallam. خامسا إن القائد والأمير وأصحاب الولايات لا يتصرفون في الشؤون العامة من غير أن يبينوا للرعية مقصدهم فيها. Cinquièmement, que les gouverneurs et ceux qui ont l'autorité ne font pas des choses qui impliquent la masse sans montrer aux gens le but de leur choix. سادسا كون النبي صلى الله عليه وسلم رحمة وبركة على الأمة لا سيما الأنصار. Sixièmement, le fait que le prophète صلى الله عليه وسلم est une miséricorde et une bénédiction pour la communauté et de façon plus particulière à l'Ansar. Car Allah عز وجل leur a accordé tout cela par l'intermédiaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. N'étiez-vous pas égarés et Allah vous a guidé par mon intermédiaire. N'étiez-vous pas divisés et Allah vous a réunis par mon intermédiaire. N'étiez-vous pas pauvres et Allah vous a enrichi par mon intermédiaire. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est une miséricorde et une bénédiction pour la communauté et de façon plus particulière pour les Ansar. سابعا ما للأنصار رضي الله عنهم من فضل الإيمان والنصرة لله ورسوله أوجبت استئثارهم بالنبي صلى الله عليه وسلم كما أوجبت محبته لهم وتقديمهم على غيرهم كما أوجبت نعم ما للأنصار رضي الله عنهم من فضل الإيمان والنصرة لله ورسوله أوجبت استئثارهم بالنبي صلى الله عليه وسلم كما أوجبت محبته لهم وتقديمهم على غيرهم. Septièmement, les mérites qu'ont à l'Ansar dans la foi et dans le fait qu'ils aient donné la victoire à Allah et à son prophète. Ce qui leur a voulu le fait qu'ils soient les favoris du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cela leur a voulu également l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le fait qu'il les ait précédés devant autre que. ثامناً علامة من علامات النبوة فإن ذكره مما سيقع على الأنصار وقع من بعض الملوك الذين لم يعرفوا لهم حرمة وسابقة. Huitièmement, on tient de ce hadith un signe parmi les signes de la prophétie, car le prophète صلى الله عليه وسلم a cité une chose qui allait toucher les Ansar, et cette chose a eu lieu de par certains rois qui n'ont pas reconnu l'importance et la place des Ansar. تاسعاً إن الصبر الجميل على المصائب من أسباب ورود الحوض مع النبي صلى الله عليه وسلم. Neuvièmement, que la patience dans les catastrophes et dans les mauvaises choses qui nous touchent font partie des causes qui permettent de boire du bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aux Ansar, patientez jusqu'à me rencontrer au niveau du bassin. فَإِذَا لَمْ يَظْهَرْنِي مُنَاسَبَةٌ وَاضِحَةٌ لِإِرَادِ الْمُؤَلِّفِ رَحِمَهُ اللَّهَ هَذَا الْحَدِيثِ فِي كِتَابِ الزَّكَاةِ وَلَعَلَّ ذَلِكَ مُتَابَعَةً لِمُسْلِمْ حَيْثُ أَخْرَجَهُ فِي بَابِ الزَّكَاةِ مِنْ صَحِيحِهِ أو لعله أراد أن يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر أيام رسالته وبعدما أعز الله الإسلام وقواه أعطى المؤلفة قلوبهم من الغنيمة فيقاس على الغنيمة أن يعطوا من الزكاة خلافا لمن يرى من العلماء سقوط نصيبهم من الزكاة بعد أن أعز الله الإسلام كأبي حنيفة وأصحابه، والصحيح جواز إعطائهم تأليفا لهم إذا دعت الحاجة إلى ذلك، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد، وهو من مفردات مذهبه، وليس عند المسقطين لسهمهم ما يعارضون به فعل النبي صلى الله عليه وسلم وآية براء التي هي آخر القرآن نزولا. Puis Cheikh Al-Bassam fait une remarque en disant qu'il ne lui est pas apparu la cause ou la raison pour laquelle l'auteur Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah a cité ce hadith dans le livre de la zakat. Car ici, le professeur Hassam a donné le butin. Il dit peut-être qu'il a fait cela en suivant l'imam Muslim, lorsque l'imam Muslim a cité ce hadith dans le chapitre de la zakat de son sahih. Ou il est possible qu'il a voulu montrer que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans les derniers jours de sa prophétie, et après qu'Allah ait renforcé l'islam, il a donné à ceux dont les cœurs sont à prendre Al-Ghanima, le butin. Et ainsi de faire l'analogie entre le butin et la zakat. Contrairement aux savants qui considèrent que la zakat ne doit pas être donnée à ceux dont les cœurs sont à prendre après qu'Allah ait renforcé l'islam, comme cela est l'avis de l'imam Abu Hanifa. Donc ici, la cause qui est supposée par Cheikh Al-Bassam est que l'auteur a voulu montrer que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vers la fin de sa vie, a donné le butin à ceux dont les cœurs sont à prendre. Car on a vu que la bataille de Hunayn a eu lieu quand ? Dans le mois de Shawwal de la 8e année. Donc, vers la fin de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et de faire l'analogie entre donner le butin à ceux dont les cœurs sont à prendre et donner la zakat. Car certains savants, parmi eux l'imam Abu Hanifa, considèrent que l'on ne donne pas la zakat à ceux dont les cœurs sont à prendre après qu'Allah ait renforcé l'islam. Et à Cheikh Al-Bassam de dire que la vérité ou ce qui est vrai est l'autorisation de donner la zakat à ceux dont les cœurs sont à prendre lorsqu'il y a un besoin dans cela. Et c'est ce qui est connu dans le madhab de l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala. Et il y a chez ceux qui ne voient pas cela aucune preuve qui pourrait faire face à l'acte du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le fait que le prophète sallam est donné à ceux dont les cœurs sont à prendre et au verset de Bara'a, au verset de Surat At-Tawbah, dans lequel Allah Azzawajal a cité les 8 catégories de ceux qui perçoivent la zakat parmi eux, wal-mu'allafati qulubuhum. Et Bara'a, Surat At-Tawbah fait partie, ou le verset de Bara'a, le verset de la zakat dans Surat At-Tawbah fait partie de ce qui a été révélé en dernier du Coran. Fait partie des derniers versets révélés du Coran. On aktafi bihadha al-qadr wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.